franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui la passion selon Jean Seberg, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Sarah Farkas, réalisée par Laurence Courtois. Comment raconter la vie de Jean Seberg ou comment dresser le portrait d'une personnalité aussi complexe? À travers cette vie mouvementée, c'est aussi le portrait d'une Amérique des années 60 et 70 qui se dessine. C'est également le portrait des hommes qui ont compté dans sa vie et partagé son histoire, d'Otto Preminger à Jean-Luc Godard, en passant par François Truffaut et Romain Gary. Pour suivre la carrière de Jean Seberg, il faut s'approcher des zones d'ombre, aller au-delà de l'image de la ravissante actrice américaine devenue icône de la nouvelle vague. Comment la jeune adolescente, qui a appris le théâtre à l'école, élevée dans une petite ville de l'Iowa et qui a reçu une éducation luthérienne stricte, va-t-elle devenir cette immense actrice? On a beaucoup parlé de sa mort. Elle s'est suicidée le 30 août 1979 dans sa voiture à Paris. On a beaucoup parlé de ses démêlés avec le FBI, l'agence américaine et son chef Edgar Hoover, qui en avait fait sa cible privilégiée et qui n'a cessé de traquer la militante de la cause noire. Seberg, l'engagée, blacklistée par Hollywood. On a beaucoup parlé de ses amours, de ses aventures, de sa liaison, puis de son mariage avec Romain Gary. Et pour ceux qui s'en souviennent, elle restera l'incarnation féminine d'une œuvre mythique, d'un film mythique à bout de souffle. Mais Jean Seberg est-elle l'actrice d'un seul film? Cette fiction propose de revenir sur l'événement le plus marquant de la jeune vie de Jean Seberg, celui qui lancera sa carrière internationale et qui paradoxalement la marquera à jamais, car c'est aussi l'un des événements les plus destructeurs de sa vie. C'est le tournage de Jeanne d'Arc par Otto Preminger, une histoire de Pygmalion et de sa muse, ou comment une jeune inconnue de l'Iowa devient une vedette internationale grâce à son engagement et sa passion. La fiction commence et se termine en 1979, quelques jours avant la mort de Jean Seberg. À cette période, elle n'a que 40 ans, mais elle boit, prend des pilules, grossit. Complexée par ce qu'elle est devenue, elle ne reçoit plus que dans son lit ou derrière sa porte. À son ami, à qui Lehman, qui lui rend visite, elle finit par ouvrir cette porte. Alors, les deux amis se replongent dans le passé. Jean revient sur sa jeunesse et le tournage infernal qui fut sa première et pire expérience de cinéma. Après la fiction, nous continuerons d'évoquer le travail et la personnalité de Jean Seberg avec Antoine Debecq, historien et critique de cinéma. Cette fiction est donc la quatrième d'une série de cinq écrites par une jeune scénariste de la Fémis pour Affaires Sensibles. Tout au long du mois de mars, en effet, nous diffusons le vendredi des fictions écrites par des jeunes auteurs de cette grande école de cinéma qui partagent avec nous la même passion pour la radio. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Farkas qui a écrit La Passion selon Jean Seberg. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Bonjour Sarah Farkas. Bonjour. Alors, cette toute première question rituelle à chaque fois que nous invitons un auteur de La Fémis. Pourquoi cette histoire-là? Pourquoi ce personnage? Qu'est-ce qui vous parle chez elle? Qu'est-ce qui vous parle dans cette histoire et ce moment de son histoire? Je pense que ce qui m'a parlé le plus, c'est que j'ai l'impression qu'on la connaît sans la connaître, cette comédienne. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé plus de sa vie privée, finalement, ses amours, son mariage, son engagement et même malheureusement sa mort, que finalement, comment est-ce qu'elle est devenue cette icône? Et du coup, je m'intéressais de manière particulière donc à cette comédienne, mais aussi finalement à une histoire universelle qui est celle du passage d'une adolescente lambda, entre guillemets, qui a une passion, mais que personne connaît, qui vient du fin fond des États-Unis. Et qu'est-ce que ça peut faire, en fait, qu'est-ce que ça fait à une jeune femme de réaliser son rêve à 18 ans? Est-ce que finalement, c'est pas la plus grande malédiction qui puisse arriver à un artiste à cet âge-là? Et ce passage par la nouvelle vague a été aussi pour vous un point d'accroche, d'amarrage aussi? Oui, mais c'est vrai que c'est pas du tout ce dont on parle dans la fiction. C'est vrai, et pourtant, ça a tout changé pour elle. Ouais. Mais oui, et donc c'est quand même c'est pas forcément dans le sous-texte, mais ça peut l'être aussi pour l'auditeur. Hein. Oui, aussi, c'est-à-dire qu'elle a un bien meilleur souvenir, évidemment. Enfin, c'est ça qui l'a fait éclore comme comédienne. Elle dit d'ailleurs que c'est pas Preminger finalement, c'est pas avec lui qu'elle a appris en premier, mais plus avec la nouvelle vague, avec Godard. et qui d'ailleurs ne connaissait absolument pas les États-Unis. Elle disait que la vraie école de cinéma à l'époque, c'était la France, et ce n'était pas ce qu'elle avait appris aux États-Unis. Comment concevez-vous le travail de scénariste, raconter l'histoire en s'inspirant du réel? Comment vous avez travaillé pour cette histoire-là? Avec bien sûr beaucoup de documentation, en lisant beaucoup de livres sur elle, en regardant ses films, en regardant les critiques de ses films, en étudiant sa relation au réalisateur. Et quand vous la voyez jouer, ça vous inspire pour l'écrire? C'est différent, c'est-à-dire qu'en fait, quand on la voit jouer, on redevient totalement spectateur, et il y a surtout une tendresse, en fait, et une fascination qui s'exerce. Mais du coup, quand on écrit, on est beaucoup plus dans un autre mode, en fait. On est à nouveau conteur, on se réapproprie une histoire qui devient d'ailleurs fictive. Toute dernière question, l'écriture pour la radio, parce que c'est spécifique pour vous, l'écriture pour la radio? Ah oui, par rapport au cinéma ou à la télévision, c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire que au cinéma, évidemment, on écrit pour l'image, donc l'émotion, les informations passent par l'image, principalement. Alors que là, il faut tout faire passer par le dialogue ou le récit, du coup, afin que l'auditeur finalement puisse s'imaginer, fantasmer les décors qu'il ne voit pas. Donc c'est vraiment un processus très différent. Merci en tout cas, merci infiniment, Sarah Farkas. Au revoir. La passion selon Jean Seberg. De Sarah Farkas. J'ai la migraine, à qui je me sens pas bien. Reviens demain ou la semaine prochaine. Je t'ai apporté un cadeau. Le genre qui soulage les migraines, promis. Jean, allez, ouvre. Je ne pourrai pas te garder longtemps, je te préviens. Ahmed risque de rentrer et il n'aime pas que je reçoive du monde. Tu es chez toi, Jean. Tu reçois qui tu veux. Ahmed n'a pas à te dicter ta conduite, ok? Et tu ferais mieux de prendre un peu l'air plutôt que de te gaver toutes ces pilules. Tu es venu m'offrir un cadeau ou me faire la morale? Tiens. Emily Dickinson. C'est ma poétesse préférée. Tu sais que quand j'étais petite, j'allais me promener sur les rives du fleuve près de chez moi à Marshalltown. Avec mon amie Hannah, on s'asseyait à un endroit où il y avait des tombes indiennes près du foyer des soldats. Et là, on récitait ses poèmes pendant des heures. On se disait qu'on était de grandes intellectuelles. C'est pas mal comme remède, hein? Je te connais, tu sais. Merci d'être venue. Désolée si je ne suis pas une très bonne hôtesse. Depuis qu'Ahmed vit ici, je ne vois presque plus personne, de toute façon. C'est une ordure, ce type, il te massacre. Tu t'es regardée dans une glace? Ton visage est couvert de bleu. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu viennes. Je ne veux pas que les gens me voient comme ça. Je veux que tu te souviennes de moi comme quand j'étais jeune, comme dans « À bout du souffle ». Quand j'étais mince et belle, que j'avais les cheveux courts. Tu parles comme si t'allais mourir. T'as même pas 40 ans et t'es toujours très belle. 40 ans. Je me sens comme si j'en avais 100. Tu ne te dis jamais que tes plus belles années sont derrière toi? Parfois je me dis que ma vie n'a été qu'une longue chute. J'aurais mieux fait de mourir sur le bûcher de Jeanne d'Arc. Tu aurais vraiment préféré mourir à 18 ans et ne jamais tourner dans Bonjour Tristesse ou devenir la star d'À bout de souffle, ni vivre ton histoire avec Romain Gary, donner naissance à ton fils. Je ne sais pas. Je suis un peu perdue en ce moment. Quitte Ahmed, Jean. Quitte ce sale type qui te vole ton argent, qui te frappe. Tu crois qu'il te mérite? Viens chez moi te reposer, s'il te plaît. Au moins pour un week-end. Regarde, quelle chambre étrange. Pas de feu qui rougeoie dans l'âtre. Pas de chope qui déborde. Nécromancien, aubergiste. Qui sont-ils, ceux d'en bas? Jean, Marianne, le dîner est prêt. Jean, tu veux dire le bénédicité? Notre Père, qu'il est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté... Jean, qu'est-ce que c'est que ces taches sur ta robe? Ah, ça, j'ai disséqué un cœur. Tu as quoi? Un cœur de vache? Mais elle était morte, bien sûr, c'était pour m'entraîner. T'entraîner? T'entraîner à quoi? Et où as-tu trouvé ce cœur? C'est le docteur Carlson qui me l'a donné. J'ai décidé que je voulais plus être toréador. Maintenant, je veux devenir chirurgienne. Oh. Et je serai célèbre. C'est pas un beau métier, ça, guérir ceux qui souffrent? Oh, si, si. Mais si tu pouvais éviter de disséquer des cœurs d'animaux morts chez moi... C'est un métier fantastique, ma Jean. Merci, papa. Vous allez toujours au cinéma avec Anna et Leila, dimanche, après la messe? Oui, oui, ils jouent. C'était des hommes à l'Orpheum avec Marlon Brando. Ah, mais vous rentrez vite après. Ton père travaille à la pharmacie et j'aurai besoin de toi pour préparer le smorgasbord. Désolée de gâcher vos statistiques. Ça t'a plu, Jean? Je l'ai trouvé fantastique, extraordinaire. Je savais pas qu'on pouvait jouer comme ça. Tu penses qu'on pourrait le voir en vrai? Tu veux dire au théâtre? Oui. Et peut-être qu'il pourrait venir nous voir à Marshalltown. Brando à Marshalltown? Mais pour faire quoi? Il y a rien ici. Tu l'imagines parmi les vaches et les bottes de foin, toi? Non, mais j'ai lu dans un magazine qu'il en avait assez du showbiz. Je vais lui écrire. Quelle heure il est? Oh là, il faut que je rentre. Mais tu sors pas avec nous ce soir? Toute la bande sera là. Non, je peux pas. Il faut que j'aide ma mère. Elle prépare un smorgasbord pour Noël. Smorgasbord, c'est quoi ce truc? Smorgasbord, c'est une montagne de sandwich, un plat traditionnel. C'est une des rares choses que mes parents ont rapporté de Suède en arrivant aux États-Unis. Ça et leur sens de la rigueur luthérienne. Bon, rentrez bien les filles. Bye. Cher Marlon Brando, je viens de voir votre dernier film, C'était des hommes, et j'ai conçu pour vous une admiration sans bornes. Je m'appelle Jean Seberg, j'ai 14 ans, et je suis née à Marshalltown, Iowa. Comme j'ai lu dans les journaux que vous aimiez le calme et la campagne, je vous propose de venir passer quelque temps chez moi. Mes parents, ma sœur, mes frères et moi, nous serions ravis de vous accueillir. Marshalltown est une petite ville, un endroit très charmant et très calme, où vous pourrez vous reposer le temps qu'il vous plaira. Très amicalement vôtre. Allô? Jean, c'est Anna. Anna, ça va? Pourquoi tu pleures? On est sorti avec la bande et il y avait Jim aussi qui était là. Et à la fin, il a proposé de nous raccompagner. Ça n'a pas plu aux garçons, ils l'ont frappé et il saigne partout. Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont frappé? Parce qu'il est noir, parce qu'ils étaient jaloux et qu'ils sont racistes. Quoi? Mais c'est horrible. Pauvre Jim, tu es avec lui? On peut le voir? Est-ce que vous avez appelé la police? Il est à l'hôpital. La police est venue, mais ils n'ont rien fait. Ils ont dit que c'était de la faute de Jim. Mais quel scandale! C'est pas possible. Ils vont pas s'en tirer comme ça. Je dois y aller, là. Mon père veut que je raccroche. À bientôt. À bientôt. Tu m'avais jamais raconté cette histoire? Le racisme à cette époque... C'est vraiment l'Amérique puritaine des années 50 dans toute sa splendeur. Toi qui ne supportes pas de voir les gens souffrir, ça a dû être terrible. Oui, j'avais 14 ans et ça m'a profondément marquée. Je me sentais totalement impuissante face à l'injustice. J'ai finalement fait la seule chose que je pouvais faire à l'époque. Je me suis inscrite à l'Association pour la promotion des gens de couleur. À 14 ans, Jean Seberg, la grande prêtresse de la cause noire, ça date de 52. Moi qui croyais que c'était les années 60 et le romantisme des Black Panthers qui t'avaient conquise. Mes parents n'ont pas du tout compris. Mon père m'a même dit que j'étais folle, que les gens allaient croire que j'étais communiste. Mais ça ne m'étonne pas de toi. Et Brando, évidemment, il t'a jamais répondu. Bien sûr que non. Mais je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années. Et tu lui as dit que tu lui avais écrit? Oui, Je lui ai même renouvelé mon invitation. Je continue de penser que l'air de Marshalltown ne lui ferait pas de mal. Elle n'ira pas. Mais maman, j'étais prise à l'audition. Et c'est une troupe de théâtre respectable. Et ce serait que pour 2 mois. Mais Plymouth, c'est loin. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un stage de théâtre plus près d'ici? Parce que c'est sur la côte est que ça se passe. Papa! Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vous en prie. Les Carlson peuvent m'emmener. Et ils partent dans le Massachusetts pour l'été. Bon, d'accord. Mais tu t'inscris à l'université avant de partir et tu reprendras les cours en septembre. Oh, yes! Merci! Chérie, j'ai peur que Jean parte toute seule à l'autre bout du pays. Le théâtre, enfin, c'est pas une vie. C'est que des alcooliques et des drogués. Chut! Et puis elle ne connaît personne là-bas. Nous n'avons pas de relation dans ce milieu. Ce serait mieux qu'elle fasse d'abord des études, comme Marianne. Elle ira à la fac, ne t'inquiète pas. Mais elle est jeune et elle a du talent. Souviens-toi quand elle a joué Sabrina l'année dernière. Quel succès! Elle est douée, notre Jean. Laisse-la profiter de son été, elle reviendra à la rentrée. Allô, Hannah? Jean, comment vas-tu? T'es toujours sur la côte est? Oui, mais j'ai quitté Plymouth pour le New Jersey. J'ai suivi une autre troupe de théâtre. Je suis à Cap May maintenant. Oh, mais je suis trop jalouse. Alors, comment ça se passe? T'as rencontré des garçons? Oui, j'ai rencontré un jeune homme merveilleux. Il s'appelle John Maddox. Je le savais. Il est comment? Brun, bouclé, différent des autres. Au début, il se fichait de moi tout le temps parce que je venais de l'Iowa. Il ne comprenait pas ma passion pour les trains. Mais c'est vrai que pour des gens comme lui, qui viennent des grandes villes, c'est juste un bruit désagréable. Alors que pour nous, dès qu'un train siffle, c'est comme une promesse. Ça nous rappelle qu'il y a un moyen de s'évader. Oh, Jean, si seulement je pouvais monter dans un train et venir te voir, là. Tu rentres bientôt. Oui, en fait, je voulais surtout te parler d'une audition. Hier, on est sorti au cinéma à Cap May avec la troupe. Et il y avait une annonce de casting pour un film, Sainte-Jeanne. C'est sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Et c'est Otto Preminger, le réalisateur. Otto Preminger? C'est drôle. Toi qui avais présenté Jeanne de Lorraine pour entrer dans la troupe de cet été, tu vas te présenter? J'adorerais. Otto Preminger, Hannah. Il a fait tourner Marilyn Monroe, Jane Turney, Frank Sinatra. J'ai peur de pas correspondre. Il cherche une actrice âgée de 16 à 22 ans qui parle anglais. Bah, jusque-là, je vois pas où est le problème. J'ai peur d'être trop petite. Jean, si c'est pas toi qui t'inscris, c'est moi qui le ferai. Donc t'as intérêt d'y aller. T'as raison. J'ai rien à perdre. À part John, peut-être. Et même si ça arrivait, tu préfères un amour de jeunesse ou devenir une star? Tu as reçu une lettre. Oh mon Dieu! J'ai été sélectionnée! C'est le rôle de Jeanne d'Arc dont tu nous as parlé? Tu as gagné? Non, pas du tout! Il faut passer l'audition pour ça. Mais je suis retenue avec 3000 autres candidates. Oh, papa, il faut que tu m'emmènes passer l'audition, je t'en supplie! C'est dans 3 semaines, à Chicago. Jean... Je t'en supplie, c'est mon rêve. Et dire qu'avant tu voulais être chirurgien, ta mère va me tuer. Quand j'y repense maintenant, ça a dû être complètement dingue cette audition. C'était surtout terrifiant. Me retrouver à Chicago, dans un hall d'hôtel rempli de 3000 jeunes filles hystériques. Les équipes de casting essayaient de nous faire passer par ordre alphabétique, mais tu imagines le bazar. J'imagine surtout Otto Preminger. Ce vieux prussien colérique écoutait 3000 jeunes actrices lui réciter n'importe comment le texte de Georges Bernard Shaw. Ça faisait beaucoup rire la presse. Lui-même ne savait pas trop ce qu'il cherchait. Tout le monde pensait que c'était un coup de pub et qu'il allait tirer de sa manche une vraie star au dernier moment. Mais c'était mal le connaître. Ce qu'il voulait, c'était trouver un être innocent et pur et pouvoir le façonner à son image. Next, mademoiselle Seaback. Quand vous voulez. Perpétuel emprisonnement. N'est-ce pas le moment de ma délivrance? Donnez-moi ça. Donnez-moi ce que vous écrivez. Allumez vos feux. Pensez-vous que je les redoute autant que la vie de prisonnière, celle d'un rat au fond d'un trou? Mes voix avaient raison. Oui, elles m'ont dit que vous étiez des imbéciles et que je ne devais pas écouter vos douces paroles ni croire à votre charité. Vous m'avez promis que je resterais en vie, mais vous avez menti. Vous pensez que vivre, c'est la même chose que de ne pas être mort? Ce n'est pas du pain et de l'eau dont j'ai peur. Je peux vivre avec du pain. Ai-je jamais demandé plus? Ce n'est pas une épreuve de boire de l'eau, si l'eau est claire. Mais me priver de la lumière, du ciel, de la vue des champs et des fleurs, enchaîner mes pieds pour que je ne puisse jamais plus chevaucher avec les soldats, ou escalader des montagnes, me faire respirer l'obscurité humide et infecte, et me tenir éloigné de tout ce qui me ramène à l'amour de Dieu. Pendant que votre méchanceté et votre stupidité m'incitent à le haïr, tout cela est pire que la fournaise dans la Bible où brûle un feu ardent. Merci, mademoiselle. Votre nom et votre âge, s'il vous plaît. Mon nom est Jean Seaberg. J'ai 17 ans et 11 mois, presque 18. Et vous voulez devenir actrice? Oui, oui, terriblement. Très bien, on vous rappellera. Aki, tu peux me passer la boîte de gélules à ta droite? Les bleues ou les blanches? Passe-moi les deux. Ça me calme. Ça t'abrutit surtout. Faut que t'arrêtes de toujours veiller sur moi. Je sais que tu veux bien faire, mais ça ne peut rien t'apporter que de la déception. Les gens m'ont toujours vu comme un être fragile et ignorant, qu'il fallait prendre par la main. On a voulu m'apprendre à vivre, m'éduquer, me dicter ma conduite. J'ai l'impression d'avoir été mineure toute ma vie. C'est ton visage qui veut ça. Dès la première fois que je t'ai vue pour l'audition, avec ta bouille ronde, tes cheveux longs et tes grains de beauté, si jeune et fragile, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe de toi. Tu te rappelles? De mon arrivée à New York? Assez vaguement. C'était un vrai tourbillon. Je débarquais de Marshallton avec mes parents. J'étais très nerveuse, ça je m'en souviens. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Pour la séance photo avec Bob. Je me souviens vous avoir suivi au théâtre le soir. Je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. J'étais tellement nerveuse. Il y avait de quoi? On avait pitié de toi. T'étais la plus jeune des candidates et la moins expérimentée. Pour nous, c'était comme faire entrer un agneau dans la gueule du loup. Allez, Jean, c'est à toi. Vous allez voir à Chicago, elle était formidable. Vous voulez que je joue quel passage? Comme tu veux. Surprends-moi. C'est à la fin de la pièce, dans l'épilogue, lorsque Jeanne est devenue un fantôme et qu'elle apparaît à Charles dans ses rêves. D'accord. Et pourquoi cette scène? Parce que je la trouve comique. Comique? Ok. Allez-y, préparez-vous. Je jouerai Charles. Moteur. Action. Je suis Charles, le vainqueur, maintenant. J'ai dû être courageux parce que vous l'étiez. Agnès aussi m'a donné un peu de cran. Agnès? Qui est Agnès? Agnès Sorel, une femme dont je suis tombé amoureux. Je rêve souvent d'elle. Je n'avais jamais rêvé de vous avant. Est-ce qu'elle est morte comme moi? Oui, mais elle n'était pas comme vous. Elle était très belle. Je n'étais pas une beauté. J'ai toujours été un peu crasseuse. Un véritable soldat. J'aurais presque aussi bien pu être un homme. C'est dommage que je ne l'ai pas été. Je ne vous aurais pas autant embêté, mais j'avais la tête dans les cieux et la gloire de Dieu sur moi. Et homme ou femme, je vous aurais embêté aussi longtemps que vous aviez le nez dans la boue. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous avez décidé, vous, les sages, de me réduire à un tas de cendres? On arrête. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Chicago? Tu as répété avec quelqu'un? Non, j'ai juste appris le texte. Qui te donnait la réplique? C'est ma mère. Elle m'a aidé à répéter. Qui est-ce qui dirige ce film, Jean? C'est moi ou c'est ta mère? Réponds! Vous. J'avais trouvé une jeune fille de la campagne. Spontanée, naturelle. Et là, j'ai devant moi une comédienne apprêtée et mauvaise. Nulle! Je t'avais demandé d'apprendre le texte, pas de le répéter. Tu répètes avec moi. C'est compris? Oui. Alors on reprend et annule ton dîner avec tes parents, car on restera ici jusqu'à minuit s'il le faut. Tu me fais toutes les scènes de l'acte 1. Je ne peux rien vous dire. Vous ne pouvez pas me parler des voix que j'entends. C'est faible. J'entends des voix qui me disent ce que je dois faire. Elles viennent de Dieu. Je ne crois pas une seconde. On m'appelle Jenny de Lorraine, mais ici en France, je suis Jeanne. Les soldats m'appellent la Vierge. Avec l'armure, ça promet. Il faut que les Anglais quittent la France. Tu sembles souffrir le martyr alors que tu viens d'arriver à vos couleurs. Tu te souviens qu'il y a encore la prison? Puis que tu finis sur le bûcher? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, c'est ça? Tu n'as rien dans le bide? Je vais répéter jusqu'à ce que vous tombiez mort. Vous entendez? Capitaine, vous allez me donner un cheval, une armure et des soldats, et vous m'enverrez auprès du dauphin. Ce sont les ordres que vous donne le Seigneur. Coupez! C'est bon, c'est terminé. Viens là, Jean. Tu étais magnifique. Je t'assure. Je te retrouve demain pour la conférence de presse, pour te présenter devant toutes les télés du monde. Si les deux autres ne font pas mieux que toi, bien sûr. Allô? Allô? Papa? Tu peux dire à maman de venir près du téléphone aussi? Dorothy? Alors, tu as eu sa réponse? Je suis prise. Il m'a choisie. Je suis Jeanne d'Arc. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Bravo! Bravo, t'es la meilleure. On est très fiers de toi, Jean. On se voit tout à l'heure à la conférence de presse. Je vous embrasse. Ed, j'ai peur. Notre fille est entre de bonnes mains. Preminger est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Tu ne veux pas que Jean réalise son rêve? Si, bien sûr, mais... Elle n'a que 18 ans, est-ce que c'est pas un peu jeune pour réaliser son rêve, hein? Mais elle sera heureuse. Tu ne crois pas? Si. 2 décembre 1956. Dear John, je t'écris d'Angleterre où j'ai commencé le tournage de Sainte-Jeanne. Le rythme est assez rude. Je me lève à 5h30, je fais 9 heures de cheval par jour et je dois porter une armure qui pèse 13 kilos. Mais je ne me plains pas. Je sais que des milliers de filles rêvent d'être à ma place. Tu n'as pas répondu à mes 3 précédentes lettres. J'espère que ce n'est pas par crainte que je te laisse tomber pour quelqu'un de plus connu. Je t'aime, John. Tu me manques beaucoup. Tu peux m'écrire au Dorchester Hotel, suite 271. J'attends ta lettre. Bien tendrement. Jean. Il t'a répondu? Non. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ça a été le premier d'une longue suite de chagrins d'amour. Le début d'une longue solitude aussi. C'était pas plutôt le mal du pays? T'étais encore une gamine? Non, c'était ce qu'avait choisi Otto pour moi. Il voulait que je reste toujours seule. Tu te rappelles quand vous sortiez dîner le soir avec Bob et toute l'équipe? Je rentrais à 20h et Otto exigeait que je dîne seule dans ma chambre d'hôtel. Après, j'étais tellement fatiguée que je m'endormais. Et même entre les prises, Otto insistait pour que je reste dans ma loge, que j'étudie le texte. Je n'avais pas le droit de sortir. J'étais sa chose. Et nous qui passions des soirées folles à New York, sur le moment, on ne comprenait pas. pensais que tu nous évitais pour te concentrer. Pourtant, je voyais bien comment c'était sur le tournage. Otto te harcelait sans cesse. Quand il voulait que tu aies l'air perdu, il faisait en sorte que tu sois perdu. Il jouait lui-même Jeanne d'Arc et il voulait que tu l'imites. Je n'étais pas une actrice avec Otto. J'étais un singe savant. Parfois, je le soupçonne même d'avoir volontairement allumé le feu sous la scène de mon bûcher. Lui qui tenait tant à ce que je sois naturelle et spontanée. Tout le monde est prêt ? Moteur ! Action ! Bouillez-la ! Continuez de tourner. J'ai toujours les cicatrices sur mon ventre. J'ai bien failli brûler ce jour-là. Tout le monde a admiré ton courage. Tu as dit avec humour que tu sentais le poulet rôti. Et dès le lendemain, t'es revenue sur le plateau. Courageuse. C'est ce que tout le monde a dit ensuite. Même les critiques horribles qui descendaient le film. Jean est courageuse, elle veut bien faire. Mais quelle haine envers le film et envers moi. Lorsque le film est sorti, personne n'est allé le voir. Et on m'a tenue responsable. J'étais détruite. Et j'avais l'impression que mon innocence et mon talent étaient partis avec les cheveux qu'il m'avait demandé de couper et les grains de beauté qu'il m'avait fait retirer. Moi, je ne pense pas. Tu ne te rappelles pas des critiques, de mes crises de nerfs, de mes crises de larmes. Il y a encore des nuits où j'en fais des cauchemars. En tout cas, même si le film n'a pas marché, c'est grâce à Sainte-Jeanne que Truffaut t'a appelé. C'est grâce à Otto, finalement, que Godard t'a engagé sur À bout de souffle. Tu as dit que tu as échoué. Mais tu as su rebondir. Et encore aujourd'hui, si tu voulais... Je crois que tu me surestimes. Va-t'en, Aki. Il déteste que je voie du monde. C'est bon, je m'en vais. Mais tu m'appelles s'il touche à un seul de tes cheveux. C'est compris. Je supporte pas de te laisser seule avec lui. Mais je suis pas seule. J'ai Emily Dickinson. Jean. Je n'ai pas eu le temps d'haïr, parce que la tombe m'aurait fait obstacle, et la vie n'était pas si vaste que je puisse achever l'hostilité. Je n'ai pas eu le temps d'aimer non plus, mais puisqu'il fallait bien quelque activité, le petit labeur de l'amour, ai-je pensé, me suffisait bien assez. Si ! C'était La Passion selon Jean Seberg de Sarah Farkas avec Julie-Anne Roth, Pierre-Marie Rochefort, Peggy Martineau, Olivier Ruidavet, Véronique Vielle, Suzanne Aubert, Makita Samba et les voix de Laetitia Hipp, Payam Majlessi. Bruitage, Sophie Bissans. Prise de son, montage et mixage, Amandine Grévoz, Claude Nior. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Laurence Courtois. Look at you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. like you kids, you know you're the coolest. The world is yours and you can't refuse it. Seen so much you could get the blues, but that don't mean that you should abuse it. Though it's enough, just don't make you go crazy, crazy, crazy. I know it's enough, just don't make you go crazy, crazy, crazy. Que votre carrière a commencé. Prenons la découverte. J'étais en Iowa, à Marshalltown. J'avais 17 ans. J'avais follement envie de faire du théâtre. J'avais voulu être une actrice depuis j'avais 12 ans parce que j'avais vu le premier film de Brando et c'était la première fois que j'étais vraiment impressionnée par peut-être le force ou le pouvoir qu'un acteur pouvait avoir ou le fait qu'il pouvait être aussi émouvant. Et j'ai tout de suite lu tous les articles que je pouvais sur Marlon Brando. J'ai lu qu'il détestait la publicité et qu'il aimait le calme. Alors je l'avais écrit une lettre en lui invitant de venir vivre avec ma famille et moi à Marshalltown. Oui. Et il a répondu. Il n'a jamais répondu, non. Et il y a à peu près un an, je l'ai rappelé de ça. Et il m'avait vous l'avez rencontré à Hollywood? Oui. Alors il m'avait dit de lui essayer encore une fois. Écrire une autre lettre. Oui. Là, il serait d'accord pour venir. Peut-être, oui. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui la passion selon Gene Seberg, notre invité Antoine Debecq, historien et critique de cinéma. Bonjour Antoine Debecq. Bonjour. Ensemble, nous allons évoquer Gene Seberg, qui fut, comme vous l'écrivez dans votre préface d'un hors-série, qui est un beau livre d'ailleurs, intitulé Gene Seberg, tout simplement, aux éditions Mercure de France, c'est sorti en 2014. Je rappelle que vous êtes critique de cinéma et de théâtre, que vous êtes historien également. Vous publiez votre premier article dans les Cahiers du cinéma à l'occasion de la mort de François Truffaut. Vous êtes rédacteur en chef des Cahiers de 1996 à 1998, puis pendant 6 ans, rédacteur en chef des pages culture du journal Libération. Voilà, vous avez écrit de nombreux livres et articles sur le cinéma et sur l'histoire, notamment des biographies de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, comme quoi vous êtes un spécialiste de la nouvelle vague, puisque les trois noms que je viens de citer s'inscrivent dans ce renouveau du cinéma français. Les premiers mots de votre préface pour le livre que je viens d'évoquer sur Gene Seberg sont « L'ovale pur d'un visage ». Le cinéaste Robert Parrish dira que ce visage qu'un film pourrait simplement se contenter d'en être l'histoire. Vous rendez compte, il serait déjà le plus beau des films. Oui, ce visage, parce que Gene Seberg, c'est autre chose qu'un visage, mais c'est peut-être d'abord un visage. Oui, c'est vrai que c'est un ça qui est frappant et qui est resté dans l'histoire comme une sorte de mythe immédiat, on va dire, dès la sortie de ses premiers films, hein, de Jeanne d'Arc aux États-Unis, justement, oui. Puis ensuite À bout de souffle. Le visage de Gene Seberg, qui a été façonné complètement par Otto Preminger. C'est y compris les cheveux courts. Voilà. Qui est un marqueur de Gene Seberg aussi. Oui, hein. Oui, bien sûr. Otto Preminger découvre Gene Seberg à l'automne 56. Et la première chose qu'il fait lors du casting, à la fin d'un casting qui a été une épopée, c'est un moment très important dans l'histoire de la télévision américaine. Hein. C'est une des premières on pourrait appeler télé-réalité, quoi. Tout d'un coup, il y a 3000 jeunes actrices qui arrivent et Otto Preminger, qui est le grand cinéaste hollywoodien de l'époque, cherche sa Jeanne d'Arc parmi ces 3000 débutantes. Et le geste, je dirais, de la création de Jean Seberg, c'est Otto Preminger qui fait couper les cheveux de cette petite jeune fille de l'Iowa. Voilà. Et tout d'un coup, elle devient Jeanne d'Arc, la Jeanne qui va être brûlée, hein, et elle devient aussi Jean Seberg. Et ce visage, il emplit, par exemple, les cartes postales dès 1960. Hein, il se fixe comme ça sur le papier glacé et sur les cartes et sur l'imagerie. L'imagerie contemporaine, c'est le visage garçon, comme ça, de Jean Seberg. Ouais. Alors, en France, le public la découvre avec Jean-Luc Godard, bien sûr, dans Un bout de soupe. C'est en 1960. Et là, c'est un vrai choc. Et vous parlez, je crois, de la grâce garçonne. Oui, Jean Seberg a été utilisé de façon assez géniale par Godard comme à la fois l'incarnation, on va dire, de la tragédie, la femme fatale, et en même temps il arrive à la métamorphoser, cette femme fatale qui avait plutôt les traits de la vamp, comme ça, classique, il arrive à la métamorphoser en une jeune étudiante américaine, hein, et en faire une forme d'incarnation aussi de l'indépendance, hein, de l'indépendance d'une jeune fille américaine étudiante à Paris en 1960. Et Jean Seberg va porter ça. Elle est vraiment à jamais, à partir de ce moment-là, l'image d'une forme d'émancipation. Alors que Godard ne cesse dans le film quand même de la tourmenter et de la culpabiliser. C'est elle qui porte toute la culpabilité du film, puisque c'est elle qui donne Belmondo, hein, c'est elle qui donne Poincaré. C'est à cause d'elle que Poincaré va mourir. Et donc, elle est au contraire, l'image qui sort d'À bout de souffle, c'est la grâce du film, hein, aussi. C'est plutôt une image extrêmement moderne, d'une garçonne années 60 qui réinitie en quelque sorte l'image de la garçonne années 20, hein, des années folles. Et donc il y a quelque chose qui prend tout de suite sur à la fois le visage et l'allure, et puis évidemment le parler de Jean Seberg. C'est peut-être le visage féminin emblématique, il y en a d'autres, hein, mais je dirais emblématique de la nouvelle vague. Alors elle s'installe en France, elle a conscience, j'ai l'impression, qu'elle vit une aventure extraordinaire avec ce renouveau du cinéma français, là où elle est au cœur de l'événement. Ça compte beaucoup pour elle, j'imagine. Ça compte, et en même temps, c'est totalement une surprise, hein, puisque elle arrive de façon un peu anecdotique. Elle a épousé un jeune avocat brillant français, François Moreuil. Elle s'installe avec lui à Paris, et il se trouve qu'elle est complètement contemporaine de la nouvelle vague, alors qu'elle a été formée, forgée, découverte par le Hollywood classique, hein. Otto Preminger. Voilà, Otto Preminger, donc c'est un cinéma à mille lieues de la Nouvelle Vague. Et au début, par exemple, de son premier tournage Nouvelle Vague, d'À bout de souffle, pendant l'été 59, elle est totalement perdue. Et Godard joue beaucoup de ça. Il la laisse se dépatouiller, comme ça, se perdre, et peu à peu, il va la retrouver en l'affranchissant, en quelque sorte, de tous les codes du jeu américain, de tout le maquillage, de tout ce qui pouvait entourer le glamour de l'actrice à Hollywood. Lui, au contraire, il la filme comme presque dans une sorte de documentaire, comme ça, sur une jeune étudiante américaine à Paris. Et donc, elle est complètement perdue, perturbée, et c'est à travers cette épreuve, hein, parce qu'elle le vit comme une épreuve, les lettres qu'elle envoie à son agent, Patton Price, sont très très claires, elle ne comprend pas ce qui se passe, et peu à peu, au fur et à mesure du tournage, elle va comprendre le bénéfice, disons, en authenticité. De ces méthodes godardiennes, avec une caméra légère, pas de son. C'est des conditions de tournage qui sont complètement abracadabrande pour une actrice classique hollywoodienne. Jusqu'à ce stade de notre conversation, nous venons parler d'une belle histoire. Et là, Jean Seberg, c'est aussi l'histoire de graves blessures, des blessures à l'âme qui iront jusqu'à la mort, qu'elle se donnera. Et on en parlera dans 3 minutes. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. should be world school, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Antoine Debecq, nous nous retrouvons pour parler de Gene Seeberg. Je voudrais qu'on dise un mot de son engagement, parce qu'il était fort pour le mouvement noir américain, les Black Panthers. Gene Seeberg était présente lors de la marche de Washington et pour le discours de Martin Luther King. Ça a été quelque chose d'important dans sa vie. Absolument, c'est quelque chose de très important. Gene Seeberg a toujours été du côté des faibles, des minorités, des entre guillemets, des perdants de l'histoire qui sont en train de prendre en main leur histoire. Et donc elle s'est trouvée tout à fait naturellement en phase, ce qui était le cas d'une partie, disons, des intellectuels et de la gauche américaine, notamment à Hollywood. Elle n'était pas seule, hein, mais elle a été peut-être celle qui a été une de celles qui a été le plus loin, hein, avec Brando d'ailleurs, hein, Brando sur l'engagement sur les Indiens par exemple, hein, c'est quelque chose qui la rapproche, il se rapproche là-dessus. Donc elle était à ce moment-là une grande star américaine, elle jouait dans des films hollywoodiens au milieu des années 60, elle joue dans des gros films comme Airport, voilà des films qu'on appellerait des blockbusters aujourd'hui. Ah bah oui. Donc elle est une actrice très connue, elle gagne très très bien sa vie et elle donne une bonne partie de son argent au mouvement des Black Panthers. Et puis elle est aussi fascinée par, et elle a une relation très forte avec certains leaders des Black Panthers, jusqu'à être la maîtresse, la femme secrète, tout ça est clandestin, hein, d'un des leaders de Hakim Jamal, qui est le beau-frère, il me semble, de Malcolm X, et qui est donc un des meneurs des Black Panthers. Et forcément, il y a un affreux qui s'appelle Edgar Hoover et qui a l'œil sur elle. Hein. Après la chasse aux sorcières, il y a eu la chasse à la sorcière, si j'ose dire. Oui, c'est dire que le FBI est très soucieux. On est dans ce moment comme ça de la fin des années 60, hein, de l'engagement de la jeunesse étudiante américaine. Et le FBI surveille de très près tout ce qui concerne les Black Panthers, qui est un mouvement paramilitaire. Hein, et il ne faut pas oublier aussi la violence qui se déploie de aussi, ce côté-là. Bien sûr, oui. Donc il y a une surveillance. Et Jean Seberg va être, on peut dire, détruite hein, par le FBI de façon tout à fait... Il y a quelque chose de très volontaire. C'est sciemment que le FBI fait fuiter du côté de la presse. Et notamment, donc, c'est le Los Angeles Times, à l'été 1970, hein, qui révèle, dans une chronique mondaine comme ça, le lien de Jean Seberg avec Hakim Jamal et le fait qu'elle est enceinte de lui. Ça, on ne sait pas d'ailleurs. En tout cas, voilà, et c'est quelque chose de très très violent, puisque ça attire sur elle une sorte de voilà de scandale qui va jusqu'à pour elle le suicide. Hein. Elle décide de, c'est un geste de sacrifice en quelque sorte. Elle veut mettre fin à ses jours pour que sa fille, sa petite fille qu'elle porte, hein, qui Nina, naisse et vive pour elle. Hein. Et c'est exactement le contraire de ce qui va se passer, c'est-à-dire elle va survivre et la petite fille va mourir. Ouais. Et donc voilà, c'est un drame. Le 23 août 1970, hein, c'est un drame qui restera quelque chose qui a détruit à jamais Jean Seberg. Hein, c'est-à-dire que tout, c'est très très net dans les lettres qu'elle écrit. Jean Seberg écrivait beaucoup de lettres. C'est quelqu'un qui avait ce talent-là. Et tous les fins du mois d'août, dans toutes les années 70, elle est en dépression totale. Et d'ailleurs, elle se suicidera à fin du mois d'août 1979, neuf ans plus tard. Et Romain Gary? Alors Romain Gary, qui se suicidera un peu plus tard. Oui, en disant d'ailleurs que ça n'a pas de rapport avec Jean Seberg. Bon, c'est le grand amour de Jean Seberg. Ils se rencontrent à la fin des années 50. Ils s'installent en 1960 rue du Bac. Hein, c'est un couple assez mythique hein, dans le Paris des années 60. Comme elle et un écrivain voilà. Comme lui. Voilà. Alors l'écrivain monte. Elle est d'abord plus connue que lui, puis l'écrivain monte peu à peu. Hein, mais il y a eu une vraie passion comme ça entre deux qui a porté Jean Seberg tout au long de ce moment qui n'est pas forcément pour elle très très très simple hein. La plupart des projets qu'elle peut avoir avec les cinéastes de la Nouvelle Vague, dont Truffaut, hein, Truffaut est sa vraie admiration. Hein, il y a une très belle lettre qu'elle écrit à Truffaut. Dont je vais lire après quelques extraits. Continuez. Voilà, et donc il y a un projet avec Truffaut qui est Fahrenheit 451, voilà, qui tombe à l'eau. Truffaut est désolé, mais bon, il est parti sur une autre idée. Et donc voilà, c'est un moment difficile pour elle professionnellement. Elle est pas chez elle et elle est en porte-à-faux. Elle n'arrive pas à trouver vraiment son cinéma. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voudrais lire un extrait, parce que tout est dit. Alors, évidemment, c'est une Américaine, le français n'est pas sa langue maternelle, donc il y a quelques approximations avec la langue. Cher François Truffaut, alors cher F. Truffaut, pendant une période très déprimante dans ma vie, juste après la sortie de Bonjour Tristesse, j'ai reçu une lettre très encourageante et aimable de Elia Kazan. Le jour ensuite, votre article dans Art a arrivé. 2 minutes de soleil dans une heure assez lugubre, écrit-elle. Et puis elle termine en disant « Je vous en prie de pardonner mes erreurs lamentables en français et dans cette autre langue de la machine à écrire et de ne pas parler aux autres de cette lettre que vous trouverez peut-être absurde, signer une de vos admiratrices. Ce qui serait absurde, c'est de trouver cette lettre absurde. Ah. Absolument. Au revoir Antoine Debel. Merci. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui la passion selon Jean Seberg. Une fiction écrite par Sarah Farkas, réalisée par Laurence Courtois et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Pierre-Yves de Rolin.